Les dentistes français sont alors à la pointe de la recherche de prothèses pour combler ces béances indésirables. La visite chez le dentiste devient un rendez-vous incontournable pour ceux qui en ont les moyens, à commencer par la famille royale capétienne. Mais au-delà des préoccupations sanitaires, la pratique devient une attraction touristique et les Anglais fortunés qui passent la Manche font eux aussi cette visite si tendance aux grandes dames de leurs concitoyens les plus xénophobes. L'Angleterre se montre alors très suspicieuse face à cette frénésie dentaire venue d'ailleurs, et afficher un sourire ne saurait être considéré comme une attitude digne dans les hautes sphères de la société. Sourire, une pratique tout à fait regrettable qui pourrait se muer en une fâcheuse habitude, un dandysme francophile méprisable, une mode ridicule, comme le souligne le féroce caricaturiste Thomas Rowlandson en 1811. Le sourire qu'il tourne en dérision, c'est précisément celui du râtelier en porcelaine commercialisé à Londres par le français Dubois de Chéman. Le dentiste parisien a traversé la Manche pour trouver un marché devenu revêche en temps de révolution sur le sol français, où les pratiques esthétiques liées à l'aristocratie ont perdu de leur potentiel économique. Une aristocratie qui a d'ailleurs souvent fui pour trouver protection dans le giron de la monarchie britannique. Avec eux, le sourire pourrait migrer pour envahir la Grande-Bretagne. Mais les ratiches étincelantes de Dubois-Chéman échouent sur l'hostilité anti-française, bientôt exacerbée par les guerres napoléoniennes. D'ailleurs, les publications des dentistes français sur les dents artificielles sont boudées par les Anglais qui leur préfèrent des expérimentations limites de greffes de dents d'animaux. Du côté de la science dentaire éclairée, on préconise plutôt de profiter de la manne des bouches de cadavres qui peuplent les morgues. En temps de guerre, tous ces morts au champ d'honneur pourraient également constituer une réserve inestimable de dents à transférer dans un nouvel espace buccal bien né. Le sourire français ne passera pas la Manche, fin de la conquête des bouches britanniques par les experts dentaires français. Le plus sûr de nos jours reste de se laver les dents en attendant de pouvoir les exhiber sans entrave. Voilà, 3 minutes par jour devant le miroir, de la gencive vers la dent et uniquement dans ce sens. Et on retrouve le journal de l'histoire et tous les précédents sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Valentine Lovrins, Odile Joessel, Anne-Toscane Viudès, Marion Dupont et My Wen Gizhou. Une émission à écouter ainsi que les précédentes et à podcaster, la balade de diffusion sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, des élites si peu populaires, un long regard sur les élites passionnantes de l'ancien régime à nos jours.